Des personnalités de divers pays formulent du soutien désintéressé à la cause juste du peuple coréen. Dans un message de félicitations signé en commun, les adeptes des idées du Juche en Russie, en Biélorussie, au Kazakhstan, en Ukraine et en Moldavie, notamment le président de l'Association de la jeunesse russe d'études de la politique de Songun, ont qualifié les forces nucléaires autodéfensives de la République populaire démocratique de Corée de moyens précieux de défense de la paix dans la péninsule coréenne et le reste du monde. Le chef du cercle suédois d'études des idées du Juche, le président du présidium permanent de l'Association nationale des amis du peuple coréen Kim Il-sung et Kim Jong-il de Biélorussie, le chef du cercle bulgare d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme et le président du forum allemand anti-impérialiste ont souligné que la dernière expérimentation de l'explosion d'ogives nucléaires a confirmé clairement la mise en terme du diktat et de la domination arbitraire de l'impérialisme américain et de ses valets et que la République populaire démocratique de Corée s'est transformée sous la direction du Parti du travail de Corée en État socialiste capable d'abattre tout ennemi puissant.